touch you. Each and every time the chime rings out, I love you, only you forevermore. 'Cause you're my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely theme. You're my theme for a dream. So angel, please say that you love me too, and make my dreams come true. And make my dreams come true. Please make my dreams come true. Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Gémozo. Je l'attends en pleurant. Mes amis ont dit de lui que je l'attends. Je comprends maintenant. Dites-lui que je m'ennuie en l'attendant, en rêvant nuit et jour, revivant les doux instants de notre amour. Des regrets plein le cœur, oui j'en ai, c'est pour ça que moi je pleure. Pourra-t-il me pardonner? Je n'en sais rien. Le mal que je lui ai fait, s'il me revient. Quelle folie, c'est trop tard. Resté que désespoir. La la la la la la la la la la la la la la la. Dites-lui que je l'attends. La la la la la la la la la. Dites-lui que je l'attends. Je l'attends, mais j'ai peur. Je comprends que j'ai dû lui briser le cœur. Pourra-t-il oublier? Viendra-t-il un de ces jours? Je ne le sais. Dites-lui que je l'attends. Il peut venir. Dites-lui que je comprends. Il doit souffrir. Quelle folie d'espérer. Et je crie dans ma douleur pour Dalida, je l'attends, cette reprise du King of Clones de Nal Sedaka clôture cette mini-évocation de l'année 1962. Nous évoquerons d'autres années, retrouverons d'autres idoles et notamment Jacques Dutronc qui sera cet après-midi l'invité du coin du spécialiste. Nous évoquerons également le hit-parade de mai 1968. L'adaptation contre la version originale, également au sommaire de Salut les 60, bien en trois matchs. C'est une toute petite partie de ce que vous pourrez retrouver si vous décidez de rester en notre compagnie sur Radio Gémozo. En tout cas, quel que soit votre choix, eh bien je vous souhaite une excellente journée.

avec mon ami lointain, un super rock signé Guy Magenta et Dick lui-même pour le texte, Dick Rivers rend un hommage vibrant et sincère à Elvis Presley. Il est le symbole de la jeunesse, il nous a tout apporté. Je dédie ma chanson à mon ami Elvis Presley, mon ami Walter. À 20 ans, moi je le sais, tous les garçons de mon âge ont eu ce qu'ils ont aimé. Mais toi, mon ami du temps passé, toi, mon ami lointain, jamais je ne t'oublierai. T'es bercé par ta voix, et mon tout premier coup de poing, je l'avais donné pour toi. Toi, mon ami du temps passé, toi, mon ami lointain, jamais je ne t'oublierai. Mon cœur aime à relire. Le temps ne pourrait effacer, toi mon meilleur souvenir. Car toi, mon ami du temps passé, toi mon ami lointain, jamais je ne t'oublierai. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Les chaussettes noires, Betty, opposées pour ce premier match au Baby Blue de Jane Vincent, la version originale. Chaussettes noires, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Dans quelques minutes sur Radio Gamozo, nous évoquerons le hit parade de mai 68. Alors gare au pavé. If I only had time, dreams to pursue, if I only had time, they'd be mine. Time, like the wind, goes a-hurrying by, and the hours just fly. There are mountains I'd climb if I had time. Since I met you, I've fallen. Life really is too short. Loving you, so many things we could make true. By me, so much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. Thank you. if I only had time, only time. Voici le moment pour nous de retrouver le hit parade de mai 1968. Des événements socio-politiques secouent la France et l'Europe. En Belgique, les étudiants contestent violemment les programmes de la RTB, tandis qu'un autre Belge d'origine italienne, Adamo, classe L'amour te ressemble à la 36e place du hit parade. L'amour te ressemble si fort que j'en tremble. Et je me demande dans quel paradis perdu, dans Au mois de mai 1968, les Eagles sont bien partis dans la course au tube avec leur formidable Baby Come Back, puisqu'ils occupent en France la 28e place du hit parade. Flirting, but now my love is

et pour tout petit morceau pleure l'oiseau. Il m'offrant une fleur dérobée sur un chapeau chante l'oiseau. Fermeture en ce mois de mai 68 des facultés met les étudiants dans la rue. Le 10 mai, les forces de l'ordre chargent rue Gay-Lussac et tandis que grève et défilé paralysent la France, Johnny Hallyday s'installe à la première place du hit parade de mai 68 avec à tout casser titre extrait de la bande originale du film portant le même nom. Flashback. These are words that go together well, my Michelle. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. And I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Michel, un titre qui traite des problèmes garçons-filles avec des paroles en français. Une chanson qui a introduit définitivement les Beatles en France, si besoin il en était à l'époque. Vous venez de nous rejoindre. Bienvenue sur Radio Gémozo. She's a woman in red blue jeans. She's a woman that's a queen of the teens. She's a one a woman and that I know. She's a woman that loves me so. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean baby. Bebopalula, she be baby. My baby down, my baby down, my baby down. Got that beat, and she's a woman with the flying feet. She's a wanna woman, and that I know. She's a woman that loves me so. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean maybe. Bebopalula, she be baby. She's my baby down, my baby down, my baby down. Don't mean baby. Bebopalula, she's my baby.

son nom. Richard Anthony, Ruby Baby, après la version française, la version originale, et c'est dans le répertoire de Dionne et les Belmonts que nous allons la retrouver. Gérard, c'est roquement bon. Baby child, when bells ring out the summer breeze. Oh, baby child. think of things that used to be. I remember so well back when the weather was cool. We used to have so much fun when we were walking to school. If we stopped off to hear the latest songs they sing, and we'd just make it in before the bell would ring. Oh, baby doll, when bells ring out the summer free. Oh, baby doll, will it end for you and me? We'll sing the old alma mater and think of things it used to be. Chuck Berry, oh baby doll. Ils sont anglais, ils sont des fans de Chuck Berry justement et de Bo Diddley. Sur Radio Gémozo, les Animals d'Eric Burdon pour la légende de Bo Diddley, The Story of Bo Diddley. Mississippi about 1926. He moved to Chicago about 1938, where his name was eventually changed to Bo Diddley. He practiced the guitar every day and sometimes into the night, till his papa's hair began to turn white. His pa said, "Son, listen here, I know can stay, but that guitar's just got to go." So he pulled his hat down over his eyes and headed on out for them western skies. I think Bob Dylan said that. He hit New York City. He began to play the Apollo in Harlem. Good scene there. Everybody raving. "Son, I'm gonna make you a star." Bo Diddley said, "What's in it for me?" A man said, "Shut your mouth, son. Play a guitar. You just wait and see." Well, Bo made it. He made it real big. And so did the rest of the rock and roll scene along with him. And a white guy called Johnny Otis took Bo Diddley's rhythm. He changed it into hand jive. And it went like this. Had circumstances beyond our control, such as payola. The rock and roll scene died after 2 years of solid rock. You got discs like, Take good care of my baby, please don't ever make her blue, and so forth. About 1 year later, in a place called Liverpool in England, the four young guys with mop haircuts began to sing stuff like, It's been a hard day's night, and I've been working like a dog, and so on. A place called Richmond in Surrey, way down in the deep south, I got guys that have long hair down the back singing, I wanna be your lover, baby, wanna be your man, yeah, and all that jazz. Well, we've been doing this number of Bo Diddley for quite some time now. Bo Diddley visited this country last year, and we were playing at the Club of Go-Go in Newcastle, our hometown. And the doors opened one night, and to our surprise, walked in the man himself, Bo Diddley. Along with him was Jerome Green, his maraca man, and the Duchess, his gorgeous sister. Now we're doing that. This number, along with them came Rolling Stones and the Mersey Beats. They all stand around digging it. And I overheard Bo Diddley talking. He turned around to Jerome Green, he said, hey Jerome, what do you think of these guys doing our material? Jerome said, Where's the bar, man? Please show me to the bar. He turned around to Dutchess and he said, hey Dutch, what do you think of these young guys doing our material? She said, I don't know. I only came across here to see the changing of the guards and all that jam. But Bo Diddley looked up at me and he said, with half-closed eyes and a smile, he said, man, took off his glasses. He said, man, that sure is the biggest load of rubbish I've ever heard in my life. Elle est née en 1933 au Caire. En avril 1961, elle épouse Lucien Maurice, alors directeur des programmes d'Europe 1, et enregistre Loin de moi. Tandis que Dalida caracole dans les hit-parades de l'époque, John Ford aux USA sort L'homme qui tua Liberty Valance. Et la France, en battant l'Irlande 15-3, termine seule en tête du tournoi des 5 nations. L'ennui m'enchaîne, je n'y peux rien. Quoi qu'il advienne, l'ennui me tient. Dans la nuit, je supplie, je prie et je crie. Où es-tu? Que fais-tu? Loin de moi. La nuit, je traîne comme une croix, toute ma peine, n'entends-tu pas? C'est ma voix qui supplie, qui prie et te crie. Où es-tu? Que fais-tu? Loin de moi. Bon, bon, bon, bon. Je crois toujours bon, bon, bon, bon, à ton retour. Bom, bom, bom, bom. Au fol espoir bom, bom, bom, bom. De te revoir bom, bom, bom, bom. Plus que jamais bom, bom, bom, bom. Je veux t'aimer bom, bom, bom, bom. Alors j'attends, viendras-tu? Mais quand l'ennui me ronge tout doucement,

Sur Radio Guémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. La famille Dutronc habite le 10e arrondissement, fait non négligeable puisqu'il s'agit du terrain d'aventure de la future bande de la Trinité, où figurent également Johnny Hallyday, Long Christ et quelques autres. En 1962, Jacques Dutronc fait partie de l'aventure Del Toro et les Cyclones. Le temps pour Jacques Dutronc d'enregistrer 2 45 tours, le tout sans succès. Les concerts des Cyclones commencent par un instrumental de Jacques Dutronc, Fort Chabrol. La mélodie mise en mots par André Salvet et Lucien Maurice est rebaptisée Le Temps de l'amour pour Françoise Hardy, qui va devenir sa compagne puis son épouse le 30 mars 1980. Après le service militaire, Dutronc s'essaie par jeu à chanter des textes signés Jacques Lanzmann. Le directeur artistique Jacques Volson, le mari de Petula Clark, pousse Dutronc à franchir le pas. Et moi sort à l'aube de l'été 66. En quelques jours, le titre se retrouve en tête de tous les hit-parades. Le duo Dutronc Lanzmann récidive sans attendre avec les Playboys. Puis il y aura les Cactus, J'aime les filles, Il est 5h, Paris s'éveille, L'opportuniste, L'aventurier, L'hôtesse de l'air, constituent quelques-uns des morceaux choisis de cet étonnant parcours de Jacques Dutronc. En 1973, Jacques Dutronc se tourne avec succès vers le cinéma. En 1980, il s'offre un intermède musical, il enregistre Guerre et paix, avec la complicité de son ami Serge Gainsbourg. Le succès est de nouveau là. En 1984, alors, énorme succès avec Merde in France. Puis il retourne au cinéma, il joue Van Gogh. Cette fabuleuse performance lui vaut le César du meilleur acteur en 1992. En 1995, nouvel album. La critique rechigne. Dutronc, qui n'en a cure, chante « Le plaisir n'a pas de mesure, tous les goûts sont dans ma nature ». Chapeau et merci Monsieur Dutronc. Cent millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de Noirs, et moi. Vivais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie, j'y pense.